There is this thing. Do you realize consciousness is affected. There is this thing on. There is this thing going on. Do you realize our consciousness is affected? There is this thing going on. What is called the news brought to you live. Bienvenue à une nouvelle édition d'En Profondeur, une émission de nouvelles militantes à la radio CKUT 90.3 à Montréal. Nous sommes le lundi 15 août et il est 17h. L'émission d'aujourd'hui sera éminée par Chloé, c'est moi-même, et Shayna, avec Aaron à la technique. C'est une première pour moi et Shayna, donc nous sommes vraiment excités de pouvoir partager ce moment avec nous. La semaine passée, les rues de Montréal se sont tournées aux couleurs de l'arc-en-ciel. Il y avait des paillettes dans l'air, de la revendication et des corps qui dansaient jusqu'au matin. Bref, c'était la Pride et c'était vraiment le fun. Mais il y a eu aussi un autre événement qui s'appelle le FSM, le Forum Social Mondial. C'est un des plus grands forums qui rassemble des militants, activistes, journalistes et plein d'autres personnes qui sont passionnées par les problèmes socio-environnementaux. Malheureusement, on avait pensé à couvrir cet événement au début avec Shayna, mais pour diverses raisons, on n'a pas réussi, et notamment à cause du coût. Chacun des événements avait un coût de... pour assister à tous les événements de $40 et quelque chose qui a choqué beaucoup des participants. Et aujourd'hui, on a la chance de pouvoir parler à Noé Arteaga, un activiste guatémalais qui a vécu aussi cette même expérience. Dans cet épisode d'En Profondeur, nous revenons donc sur les moments forts de la célébration LGBTQ, lesbienne, gay, transsexuelle et queer. On va aller à la rencontre d'un auteur en sous-vêtements, écouter des grands-mères enragées, se retrouver transporté aux côtés d'un aîné transsexuel sur un lit d'hôpital. Tout ça dans un instant sur En Profondeur, sur les ondes de CKUT 90.3 FM. Suivez-nous sur Facebook et Twitter à CKUT News. Davis, you're listening to CKUT 90.3. Donc, comme l'a dit Chloé tout à l'heure, nous avons la chance aujourd'hui d'avoir avec nous au studio Noé Arteaga. Il est venu au Forum social mondial pour aider avec l'atelier Autogérie, Migration et Solidarité qui a eu lieu au Cégep du Vieux-Montréal le jeudi dernier. Il est aussi d'origine guatémaltèque et puis il est venu au Canada pour travailler à travers le programme de travailleurs étrangers temporaires. Donc Noé, qu'est-ce qui s'est passé quand est-ce que tu es arrivé à l'atelier? J'y arrivais un peu en avance, au nord, mais il y avait des volontaires du Forum social qui demandait toujours la carte, le gafette, je ne sais pas comment dire, mais les personnes qui n'avaient pas le gafette, ils n'avaient pas le droit de rentrer. Alors, ils ont envoyé à l'OCAN, il y avait un pont de distribution de gafette. J'avais parlé avec des personnes qui sont des bénévoles dans le forum, ils me disaient que ce n'est pas interdit pour tout le monde si on n'a pas l'argent. Je suis arrivé là-bas, il y a une madame qui me dit que je dois payer. J'explique à la madame que j'ai pas d'argent et que je ne peux pas payer, et en plus que je dois donner un atelier. Il me dit non, ce n'est pas possible. Il m'a fait attendre comme une dizaine de minutes. Il y a son collègue à côté qui lui disait qu'il pouvait me donner les gafettes et il ne voulait pas. Après, il m'a donné les gafettes. C'est juste qu'il m'a fait une remarque que je ne peux pas participer dans les autres ateliers. C'est juste pour cet atelier que je viens à donner. Et du coup, qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? Ouais. Ça, moi, je trouvais personnellement un petit problème, mais le problème, ce n'est pas juste moi, parce que j'ai vu aussi d'autres personnes se faire refuser à cause de ça. Et il y avait des personnes qui empruntaient les gaffettes pour quelqu'un pour rentrer des autres ateliers, parce que mon atelier, c'est sur migration, mais j'ai entendu des personnes sur la Palestine qui étaient bloquées dans l'entrée. Alors, c'était un peu... C'est un peu contradictoire à les valeurs du forum social, parce que il sait pas faire l'argent. Et aussi, dans plusieurs ateliers que j'ai vu, il visait un peu toute la population défavorisée. Alors, si on ne les laisse pas rentrer, alors comment est-ce qu'on peut les avoir? C'est juste. Et est-ce que tu penses que c'est parce que cette année, le Forum social mondial a été organisé dans un pays du Nord, contrairement au pays du Sud, où il est habituellement, où il se passe? Je ne pense pas que ça, c'est vraiment le problème. C'est, des fois, il y a des personnes plus strictes que d'autres. Je crois que le Forum social, il a perdu un peu son motivation. Parce que aussi, j'ai entendu dire... On va faire le forum social dans le nord pour parler des problèmes del sur. Ça, pour moi, c'est un problème, parce que ici, il y a des problèmes aussi. Alors, c'est pas nécessairement, c'est juste parce qu'on est au nord et on fait le forum au nord, on doit parler juste des problèmes del sur. Et des fois, de où on crée ce problème-là. Ça, c'est la façon de voir aussi. C'est pas juste que c'est dans un pays développé que ça arrive. C'est peut-être. Ma réponse, c'est pas que juste parce que c'est dans le sud que ça va être mieux ou non, mais... Un bon point. La source du problème est souvent dans le nord, pas nécessairement toujours dans le sud aussi. Oui. Il faut évaluer ça aussi. Et si tu avais quelque chose, une chose, un mot ou un commentaire à faire pour les organisateurs du Forum social mondial de l'année prochaine, qu'est-ce que ce serait? Mais que réfléchissent à façon, moi, je trouve intéressant avoir plusieurs ateliers, plusieurs choses dans le même temps, mais que réfléchissent un peu la façon et les organismes qui vous invitent pour faire ce forum et être plus ouvert. Parce que ce n'est pas juste mon critique, bah, qu'il y avait des événements à côté d'autres événements. Des fois, c'est dur pour les personnes suivre, parce qu'il y a des personnes qui sont intéressées dans plusieurs choses, mais tu peux juste suivre une chose à la fois. Alors, c'est compliqué. Merci beaucoup, Noé, pour ce témoignage. Et on va continuer avec le reste de notre émission. Merci à vous. Merci. Donc, pour continuer avec... De la frontière aux Laurentides. Vous êtes à l'antenne de CKUT. 90.3 FM ou sur le web autour du globe à ckut.ca. Donc, une des idées fédératrices de la semaine de la Pride est la notion de la communauté LGBTQ. S'apparente une grande famille. Rejetée par la culture hétéronormative, les déviants se retrouvent dans ce grand bol d'amitié, tolérance et fraternité. J'assistais à mon première Gay Pride en 1994 et ça a vraiment me frappé. C'était cette journée-là, j'ai fait mon coming out à tous mes amis. Parce que vraiment, comme j'ai vu que même si mes amis, même si ma famille they don't support me, quand même je peux trouver une communauté. Et pour moi, c'était comme j'étais toujours peur de comme perdre tout ça, mais après vu une célébration de la communauté comme ça, j'ai décidé, j'ai besoin de vivre ma vie et je m'en fous de ce que du monde d'autre va penser. La communauté, vraiment comme de voir la communauté unie ensemble, pour moi, c'est vraiment comme changer ma vie. C'était difficile, il faut que je dise au début, c'est difficile de trouver des amis. Je trouve que des fois, comme ça devient un peu cliqué, mais après quelques années, j'ai trouvé du bon monde et nous sommes, je peux dire, nous sommes la famille. Donc, la personne que l'on vient d'entendre était Christopher Dorado, auteur et activiste au sein de la communauté LGBTQ de Montréal depuis des années. Si la communauté LGBTQ est une grande famille, alors il va de pair qu'elle n'est pas épargnée par ces tensions, crises et jalouses familiales. Aujourd'hui, sur En profondeur, on va parler de deux situations où la notion de communauté LGBTQ est mise à l'épreuve. Deux situations où des membres de cette famille ne sentent un peu mis à part, mis à l'écart, mal compris et carrément rejetés. Tout ça pour essayer de comprendre, dans le fond, qu'est-ce qui se passe quand une collectivité a du mal à inclure et défendre tous ses membres, mais aussi, quelles sont les solutions pour réellement atteindre l'inclusivité dans un groupe qui se dit inclusif. Donc, pour commencer, on va parler d'une lettre, ou plus précisément de la lettre B dans l'acronyme LGBTQ. Cette petite lettre B qui représente la communauté bisexuelle. Ce sont les personnes qui ont des affinités sexuelles ou amoureuses pour des individus du sexe féminin et masculin. Et elle est parfois mise à l'écart par la grande famille LGBTQ. En soi, la communauté bisexuelle est victime d'une double discrimination venant d'une part des hétérosexuels, pour qui les relations amoureuses et sexuelles se passent avec des personnes du sexe opposé, mais aussi d'autre part avec la communauté LGBTQ qui a tendance à percevoir l'identité bisexuelle comme un refus de se brancher ou incapable de s'avouer homosexuel. Et dans le fond, Shaina et moi, on a eu la chance d'assister à un panel en début de semaine nommé Invisibilité, parlons de bisexualité à la Fierté Montréal, organisé par le groupe de recherche et d'intervention sociale de Montréal et le Conseil québécois LGBT qui abordait cette problématique. Ça fait déjà maintenant près de 10 ans qu'on avait commencé la réflexion au sein du groupe pour savoir qu'est-ce qu'on fait avec cette fameuse bisexualité. Est-ce qu'on l'intègre à notre mission? Parce que quand le prix avait été créé par les jeunes de Jeunesse Lambda, c'était la démystification de l'homosexualité. Et on s'est rendu compte assez vite que c'était un besoin chez les jeunes d'en entendre parler, d'en parler de plus en plus. Et on l'a intégré donc à notre mission, ça fait maintenant, ça fait 9 ans en fait à peu près. Et je me rends compte, ne serait-ce qu'avec votre présence ici, qui est un excellent et moins bon signe, en fait, un peu, qu'après toutes ces années-là, il y a encore tellement de chemin à faire sur la démystification de la sexualité auprès des jeunes, qui, dans le questionnaire, le disent beaucoup, encore, ils ne comprennent pas cette chose-là, c'est quoi, mais aussi au sein de notre communauté. Alors, je suis vraiment très, très fière que ce soit le GRI, en collaboration avec le Conseil de Fierté, qui présente l'unique événement qui va parler de bisexualité pendant cette semaine de fierté, et je souhaite sincèrement que l'année prochaine, il y ait plus d'événements qui parlent de ce fameux B qui fait partie intégrante de notre communauté dont on doit être fier et solidaire. Et concernant les personnes bisexuelles, bon, j'utilise le mot comme un parapluie qui abrite les personnes bisexuelles, évidemment, pansexuelles, queer, homoflexibles, hétéroflexibles, biromantiques, bref, les orientations amoureuses et sexuelles qui ne sont pas binaires. Bref, il est parfois difficile pour le conseil de lutter pour leurs droits en particulier, puisqu'on les case souvent d'un côté ou de l'autre, que ce soit dans les statistiques ou dans les services. La bisexualité doit être nommée pour pouvoir exister, contrairement à l'homosexualité ou à l'hétérosexualité qui sont évidemment beaucoup plus visibles. On va aussi nous considérer comme des pas branchés, volages, infidèles, des propageurs du TSS. On nous sexualise, on nous objectifie, on nous demande quand est-ce qu'on va finir par choisir. On nous demande c'est quel bord qui est notre préféré, on distingue des vrais bisexuels, des faux, comme si le sexe de nos partenaires était sujet à statistiques. Pour parler de ce sujet, le GRI et le Conseil ont invité 3 personnes bisexuelles ou pansexuelles avec des parcours, âges et perceptions de sujets différentes, Michel, Philippe et Samuel. Bonsoir! Ça va bien tout le monde? Alors, mon nom est Christophe Larouche, j'ai 31 ans. Je suis intervenant au GRI depuis le printemps 2015, donc ça fait un an et demi. J'ai présentement un conjoint qui s'appelle Victor, qui est d'origine des Philippines. Ça fait 2 ans qu'on est ensemble. Auparavant, j'étais marié avec Caroline pendant 7 ans. On a vécu ensemble à Longueuil. Alors, bonsoir tout le monde. Karel, 45 ans, bien ici. bisexuelle. Je suis au Guéry, bénévole au Guéry aussi. Alors, j'ai été mariée avec Jean-Luc pendant 16 ans, trois grands-enfants, 23 ans, 21 ans et 18 ans. Et à l'âge de 38 ans, on s'est séparés, divorcés, parce que ça ne fonctionnait plus. Et pas longtemps après, j'ai rencontré Suzanne, une Américaine, et je suis sortie avec elle pendant 6 mois. Mais c'est là que j'ai vu, quand je l'ai rencontrée, que je pouvais être attirée aussi par les femmes. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait mon coming out, mais je croyais que, bon, j'étais avec Jean-Luc, j'étais hétéro, j'étais avec Suzanne, je suis lesbienne. Ben, c'est ce qu'on me discutait, puis je laissais ça aller comme ça. Et par la suite, ça va continuer, mais j'ai rencontré mon âme sœur qui est Annie, qui est ici en arrière. ça fait 7 ans qu'on est ensemble et on est mariés maintenant. Et, mais je sais que je suis bisexuelle. Alors, quand j'ai vraiment compris que j'étais bisexuelle, j'ai refait un coming out, mais à Annick, parce que Annick est lesbienne. Et vous pouvez me poser des questions plus tard à ce sujet-là. Et dans la vie, bien, je suis coach, conférencière, j'aime aussi beaucoup voyager, tout ce qui est palmier, la chaleur, j'adore la musique. Alors, bonsoir, je m'appelle Samuel, j'ai 30 ans. Je suis pansexuelle. Je vais l'expliquer vite. Pansexuelle, c'est... Bonsoir, bienvenue. En fait, c'est de percevoir le genre pas comme étant deux choses opposées, mais un spectre. Il y a les hommes nés hommes qui s'identifient comme hommes, les femmes qui s'identifient comme femmes, et un grand arc-en-ciel entre les deux. J'ai des attirances sexuelles et romantiques pour des gens sur tout le spectre. J'ai compris que j'étais pansexuelle. En fait, ce qui est arrivé, c'est que la première femme de qui je suis tombée amoureuse n'était pas une femme. Pendant qu'on était ensemble, elle a fait son coming out trans non-binaire. Et j'étais à ce moment-là pas encore à l'aise avec l'identité lesbienne. J'avais pas vraiment fait un coming out encore et déjà l'identité ne fitait plus avec qui j'étais. Donc j'ai jamais vraiment utilisé le terme lesbienne, toujours pansexuelle. Et puis après, par la suite, les gens de qui j'étais amoureux, qui ont été le plus important pour moi, étaient pas mal tous non-binaires. Donc il y a comme un espèce de pattern ici. Et pour moi, quand j'utilise le terme lesbienne, en fait, quand on me pose le terme lesbienne, parce qu'on le fait constamment, j'ai l'impression d'invisibiliser ces gens-là. Parce que pour moi, la définition d'une lesbienne, c'est une femme qui aime les femmes. Et je me sens pas toujours comme une femme, et j'aime pas que des gens qui sont des femmes. Et puis pour moi, en fait, l'organe génital d'une personne n'est pas un critère pour l'attirance physique ou romantique. Donc ça, c'est pour la sexualité. Sinon, dans la vie, j'écris des chansons et je suis maman. Et c'est ça, ça m'occupe beaucoup, donc je suis pas en couple. Un des stéréotypes les plus ancrés dans la perception des personnes bisexuelles, c'est l'idée selon laquelle il y aurait deux fois plus de choix amoureux. Comme si parce que tu aimes autant les filles que les garçons, cela veut dire que ton choix de partenaire est multiplié par deux. Et ça, c'est quelque chose, c'est vraiment un stéréotype qui m'énerve au plus profond de moi, parce que ça donne vraiment l'impression que les personnes bisexuelles sont des espèces de prédateurs sexuels prêts à sauter sur tout ce qui a deux bras, des yeux et une bouche. Et en fait, cette idée reçue est fondamentalement liée à l'idée de hypersexualisation des personnes bisexuelles. Et c'est quelque chose que Michel, Philippe, Samuel et Geneviève ont abordé lors du panel. On se rappelle aussi que c'est pas un produit croisé. Il n'y a pas de lien mathématique entre « je suis bi, donc j'ai deux fois plus, donc si mes amis étaient pour autant. » Il n'y a pas de calcul qui se fait. Puis vous pouvez passer une vie à vous pencher sur la question, à faire des recherches, vous gaspillez votre temps, parce que l'épanouissement relationnel, sexuel puis amoureux, il ne se chiffre pas, que tu sois hétéro, homosexuel ou bisexuel, ou pansexuel, ou queer, ou biromantique, ou bicurieux. Justement, je parlais un petit peu tantôt que bon, je pensais que j'étais lesbienne. Je connaissais pas ça, la bisexualité. Et quand j'ai compris que non, je suis bisexuelle, bon, OK, la première personne, je vais lui annoncer, c'est Annick, son nom. Et sa réaction sous le t-shirt, c'était « Ah ben là, tu vas avoir plus de choix de partenaire. » OK. Je l'attendais pas, cette question-là. Depuis ce temps-là, c'est des choses que je vais entendre souvent. Et c'est quelque chose que je comprends pas, parce que quand tu es attiré vers quelqu'un, tu as un feeling, tu es attiré. Je veux dire, si tu es attiré juste par les femmes, tu n'es pas attiré par toutes les femmes. Si tu es hétéro, quoi. Ça se contrôle pas. Alors non, j'ai pas plus de choix. Je suis avec une personne, je suis super amoureuse, puis ça va bien. j'ai pas plus de choix parce que c'est pas justement j'ai pas choisi d'être bisexuel. Je suis attirée. Alors ça, c'est quelque chose tellement qu'il faut mettre au clair parce que beaucoup de gens pensent ça. Cette histoire-là, on est attiré par plus de personnes. Je pense pas que ce soit vrai. Moi, je fais toujours en parallèle avec mon ami Joseph. Mon ami Joseph est homosexuel, puis lui, je dirais sans exagérer, là, que 25% des gars les trouvent cute. On passe une soirée dans le village, là, puis c'est comme, il sait plus regarder, puis... Non, c'est assez intense, tu sais. Puis, toutes les âges, toutes les ethnicités, aucun problème, Joseph, lui, c'est comme, let's go. Tandis que moi, tu sais, quand je regarde quelqu'un, I have a type, tu sais, il y a vraiment un type de gars vraiment très pointu, moi, qui m'attire, donc, de dire qu'il y a plus de personnes qui m'attirent parce que je suis bisexuel, serait faux. Je pense que c'est vraiment un stéréotype de penser que... Ben, je pense que ça découle aussi de l'hypersexualisation des personnes bisexuelles, on pense qu'ils ont des sexualités débridées. Je pense que la quantité de sexe que tu aimes avoir n'a pas rapport avec les gens qui t'attirent ou pas. C'est un mythe. Comme l'a dit Samuel, c'est un mythe. Un autre problème auquel les personnes d'identité bisexuelle font face dans la communauté LGBT, c'est la possibilité de se faire rejeter quand elles retournent à avoir des relations amoureuses avec des personnes sexe opposées. C'est une problématique que Samuel a adressée avec tellement de passion et de clarté que la salle est devenue complètement silencieuse pour quelques minutes en l'écoutant parler et le mot « hurrah » m'est venu aux lèvres. Je ne parle pas à mon nom personnel, mais des amis, des histoires de gens, femmes sexuelles très impliquées dans le milieu militant qui, du moment qu'elles tombent en amour d'un homme, est rejetée par la communauté lesbienne. T'es plus une vraie lesbienne, t'as pas d'affaires là, va-t'en, les insultes et tout. Il y a vraiment une incompréhension envers la bisexualité. Puis c'est aussi si un couple lesbien, s'il y en a un des deux qui transitionne, qui devient un homme, est-ce qu'il y a aussi un rejet qui est vécu parce que là, t'es dans un couple hétéro, t'es plus une vraie lesbienne, t'as plus ta place dans la communauté. Donc c'est vraiment une problématique que j'ai vécue. J'ai entendu plusieurs histoires de ça, de la communauté qui rejette. Parce que j'imagine qu'il y a quelque chose de blessant. Ça va être très émotif, en fait. Je pense que ça vient jouer dans les motifs. T'es plus dans notre gang si tu vas de l'autre bord. Parce que ça revient encore avec l'idée que ça serait un choix, que ça serait permanent, que ça serait un ou l'autre, que ça pourrait pas être les deux. C'est ça, c'est binaire, c'est un ou c'est l'autre. Moi, je continue à penser que c'est fluide, que et la présentation de genre, et la sexualité, et l'orientation, c'est des choses qui sont fluides, qui sont changeantes, et c'est les étiquettes qui sont permanentes sont violentes, en fait, parce qu'à la fin, t'es comme coincé là-dedans. Est-ce que je suis encore lesbienne si je tombe amoureuse d'un homme? Là, est-ce que je perds mon identité? Puis ça m'a pris des années sur le du garde-robe. Est-ce que là, je perds ces années-là, mais je les ai vécues pareil, tu sais? C'est vraiment une réflexion, je pense, qu'il faudra avoir collectivement là-dessus, sur comment qu'on veut se dénommer aussi en tant que communauté. Je trouve que LGBTQIA, ça finit plus à un moment donné. Il y a un acronyme que j'aime, que j'ai vu quelques fois, qui vient de l'anglais, qui a été traduit, qui est diversité dans l'orientation, l'identité sexuelle et de genre. Dois-je? Moi, en tout cas, c'est une boîte à suggestions. Je mettrais ça dedans. On peut-tu tous se mettre sous la diversité, tous ensemble, au lieu d'être... Parce que peut-être qu'un jour, t'es comme, ouais, mais moi, je suis asexuelle. Puis là, finalement, tu découvres autre chose à propos de toi, mais là, tu t'es battu pour te faire une étiquette, puis là, il faut que tu t'en refasses un autre. Puis là, tu vis du rejet de la communauté que tu t'es fait, tandis que si on est tous d'accord pour dire qu'on est juste une belle grande diversité puis un bel arc-en-ciel, puis on est tous dans le même arc-en-ciel, mais il n'y a plus de rejet, il n'y a plus de frontière entre toi puis moi qui n'a pas la même réalité, mais qui a un peu la même oppression, parce qu'on ne fit pas dans le moule, tu sais. On n'est pas... Ouais, on n'aurait vraiment pas pu mieux résumer. Un grand merci encore aux Gris, les organisateurs de ce panel, ainsi qu'à Samuel, Philippe et Michel pour avoir partagé leur histoire. Vous écoutez CKUT 90.3. Pour plus d'informations ou pour vous joindre au collectif de nouvelles, vous pouvez nous contacter au téléphone au 514 448-4041 ou par courriel à news@ckut.ca. Trouvez-nous sur Twitter à @ckutnews. Il est 17h25. Dans le segment précédent, on a entendu des personnes de la communauté bisexuelle qui se sentent parfois mises à l'écart et mal comprises par la grande famille LGBTQ. Mais dans le fond, ils ne sont pas seuls. Nous allons maintenant parler d'un autre segment de la communauté LGBTQ qui ne se sent pas toujours à l'aise ou représentée. Et ce sont les personnes aînées. Je commence en disant que j'ai 30 ans. Je vis à ce moment-là une crise existentielle. Je suis vieux. Un neveu de 19 ans vient passer. Bon, je suis tout ému parce que je le revis tout à coup. Un neveu de 19 ans vient passer quelques mois chez nous. Nous passons des heures à échanger et à refaire le monde. J'ai soudainement l'impression d'avoir 19 ans. Je suis guéri. Je ne me suis jamais depuis senti vieux. L'âgisme s'apparente au sexisme et au racisme. C'est très pernicieux. Je m'entends parfois moi-même parler des vieux, entre guillemets. Je réalise que j'utilise ce terme lorsque je parle de quelqu'un de borné, de négatif, ou qui vit avec un certain regret du passé. Avant de parler d'intergénération, il faudrait commencer par nous débarrasser de cette notion d'âgisme avec laquelle on est aux prises. À quel âge est-on vieux? À quel âge cessons-nous d'être actifs et productifs dans la société? Nous avons évidemment un vécu et une histoire au niveau de l'évolution des réalités LGBT, dont parlait Lynn, et des luttes que nous avons menées. Nous avons un devoir de mémoire pour que ces réalités et ces réalisations soient inscrites dans l'histoire de notre société. Les droits que nous avons aujourd'hui ne nous ont pas été servis sur un plateau d'argent et il ne faut surtout pas les prendre pour acquis. Est-ce que les aînés ne pourraient pas aussi devenir des alliés dans les nombreuses luttes actuelles? Il faudrait venir nous chercher, nous informer, nous sensibiliser. Ce témoignage était celui de Jean Lalonde, le président de l'Association aînés et retraités de la communauté LGBTQ, qui s'exprimait dans le cadre d'un panel sur l'intergénérationnel organisé par la Fondation Émergence et le Musée des Beaux-Arts. Ce qui est ressorti de ce panel, c'est que les aînés et les jeunes vivent ou ont vécu des expériences personnelles tellement diverses qu'ils ont parfois du mal à comprendre leur réalité respective. De plus, il y a un manque réel d'espace queer où ils peuvent partager leur histoire et leur réalité respective. Il y a des enjeux forcément différents d'une génération à l'autre. Pour les aînés, et là c'est la chercheure qui parle, les aînés par exemple dans les années 70 devaient lutter contre la répression policière qui se maintenait malgré la décriminalisation. Les aînés lesbiennes ont dû lutter beaucoup pour combattre le déni du lesbianisme, donc se donner des lieux, prendre la parole, s'inventer une histoire, bref, se faire exister, se mettre au monde. Après, il y a eu la génération, je ne dirais pas génération SIDA, mais quand même, il y a eu l'impact du SIDA qui est extrêmement important pour les hommes et les autres aussi. Mais disons, les hommes mouraient, on ne savait pas de quoi ils mouraient, on ne savait pas comment les guérir, on ne savait pas. On testait les médicaments, c'est assez. Quand on lit ça, là, on a vraiment oublié, mais c'est assez terrible le contexte. Ils étaient perçus comme des pestiférés, personne ne voulait les toucher, personne ne voulait les soigner. On les isolait à l'hôpital, donc ça a été un choc pour une génération. La génération après, du côté des lesbiennes, par exemple, bon, le lesbianisme et maternité, c'était toujours incompatible. Puis après, sont arrivées des lesbiennes qui voulaient avoir des projets d'enfants en tant que lesbiennes, sans sacrifier l'un à l'autre, sans dire, mais je vais me marier parce que je veux des enfants, ce que moi j'ai vu dans ma génération. Je veux des enfants, je veux fonder une famille, le prêt à payer, c'est de me marier. Alors, bref, il y a des lesbiennes qui ont voulu être mères et lesbiennes. Et rendre ça compatible, et qui se sont rendus compte qu'il y avait des obstacles, notamment le fait que légalement c'était pas reconnu, puis socialement c'était pas reconnu, donc elles se sont battues pour ça. Donc je pense, oui, en effet, que chaque génération a ses luttes à mener, puis, mon Dieu, comment je vous dirais ça, c'est un peu comme... les écarts générationnels, ça existe, puis on pourra voir dans la discussion s'ils sont plus prononcés dans la communauté LGBT, mais je veux dire, ça existe aussi dans d'autres communautés. Je me souviens, moi, quand quand j'ai commencé à être féministe, souvent on décriait les luttes pour le droit de vote des générations antérieures, parce que voter, c'est se faire fourrer, hein, on sait bien dans notre démocratie qu'est-ce que ça donne de se voter. Donc on était dans ce discours-là, puis on dit, mais c'est quoi, pourquoi s'être battu pour le droit de vote? Puis ça m'a pris beaucoup de temps avant de reconnaître que, oui, on peut cracher sur ce droit-là quand on l'a, mais quand on ne l'a pas, ça veut dire qu'on est relégué vraiment, on n'a aucun pouvoir, aucune influence sociale, donc c'était une lutte importante. Fait que je pense pas que ces écarts de génération soient propres au milieu LGBT. Elles sont peut-être plus fortes parce qu'il n'y a pas beaucoup de transmission dans notre communauté de l'information, des luttes. Il n'y a pas beaucoup d'occasions comme celle-ci là, de se parler d'une génération à l'autre, mais on verra. Au jour le jour, un problème que la communauté, la plupart des personnes âgées de la communauté LGBTQ rencontrent est le manque d'interaction avec les plus jeunes générations. Dans le fond, étant donné que les aînés n'aiment pas forcément se rencontrer dans les bars au village ou en discothèque, ils se retrouvent mis à l'écart du reste de la communauté, comme s'ils n'avaient pas leur place aux côtés des jeunes. Il nous manque des occasions et des lieux de rencontre. Les lieux autrefois naturels de rencontre, intergénérationnels, sociales, communautaires et familiales, existent de moins en moins. Il semble y avoir uniquement deux lieux de rencontre, les bars et les associations. Il y a peu de lieux intergroupes ou intergénérationnels. Au niveau des perceptions, comme il n'y a pas vraiment de lien, les perceptions sont quasiment juste basées sur ce qu'on voit dans les films, ce qui n'est pas toujours... ce qui n'est jamais en fait représentatif de la réalité, mais c'est plate parce que même au niveau dans la communauté, on garde ces principes-là. En dehors de la communauté aussi, je pense que le rapport aîné-jeune est comme plus bienvenu depuis quelques années. Il y a une image qui a été créée de ça qui est fausse. Au cours de ce panel, il y a eu beaucoup de beaux moments, mais celui qui a vraiment stand out pour moi, c'était le témoignage de Marie-Marcelle Goodbeau. Dans son intervention, Marie-Marcelle raconte les enjeux spécifiques qui font face à la communauté des aînés transsexuels à travers son expérience personnelle. Marie-Marcelle est une femme née homme d'un certain âge qui se porte très droit, parle avec assurance et a une très belle chevelure argentée. Et on espère vraiment que son récit va vous transporter. Bonjour, mon nom est Marie-Marcelle Godbeau. Je suis né le 18 décembre 1949, 43, je voulais me réveiller. Alors, je voulais dire merci à Lynn de m'avoir fait faire un si beau voyage dans le temps par rapport au combat qu'on a eu à mener pour arriver à être ici aujourd'hui. Moi, je suis né, d'abord, j'étais un être condamné. La première chose que j'ai appris dans ma vie, moi, c'est que j'étais condamné à l'enfer pour l'éternité. Parce que mes fantaisies, mes fantasmes sexuels étaient envers les hommes à l'époque où j'avais une identité mâle. Alors, tout ce que Lynn nous a dit tantôt, moi, j'ai eu à le vivre. Quand je suis parti de l'Abitibi, je suis né en Abitibi. Mon grand rêve, c'était d'habiter une grande ville pour pouvoir me laisser vivre. Et quand je suis arrivé à Montréal, j'ai quitté l'Abitibi condamné à l'enfer pour l'éternité. Et quand je suis arrivé ici à Montréal, j'ai appris que j'étais une criminelle. Alors j'ai connu qu'est-ce que c'était que d'être enfermé à Bordeaux à cause de ma différence. L'homosexualité était criminalisée, mais nous les efféminés, même si on n'était pas homosexuels, on était considérés comme des gens qui étaient criminels. Alors, de s'habiller en femme sur la rue, les juges, à un moment donné, avaient décidé, parce qu'il y a quelques personnes de la PEG qui s'étaient permis de s'habiller en femme pour aller faire des hold-up. Alors, ils nous ont mis comme charge qu'on se déguisait en femme en prévision de commettre un crime. Alors, c'était la raison pourquoi on n'était pas habillé, on ne se faisait pas arrêter par nécessairement c'était criminel de s'habiller, mais notre intention en s'habillant, c'était de commettre un crime. Et j'ai travaillé dans le milieu hospitalier, puis ma première emploi, c'était en psychiatrie. À l'époque, ça s'appelait Saint-Jean-de-Dieu. Et j'avais un petit patient qui recevait 2 électrochocs par semaine. Et c'est moi qui tenais l'appareil chaque côté des tentes pour qu'il passe son électrochoc. Et quand je suis allé fouiller au dossier pour savoir les raisons pour lesquelles cet enfant-là avait des électrochocs, c'était qu'il avait déclaré à son père qu'il n'était pas dans le bon corps. Alors, il est allé voir les psychiatres, demandant ce qu'il pouvait faire pour venir en aide à son fils. Et les psychiatres lui ont dit qu'il faudrait lui donner des électrochocs pour y mettre la tête à bonne place. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais vous avez 19 ans, vous êtes condamné à l'enfer pour l'éternité, vous êtes criminel parce que votre différence vous amène à être sûr différent des autres, et la médecine, elle est là pour vous dire, bien, si tu dis ton secret, tu vas passer à l'électrochoc. Ça part mal une vie, mais je ne suis pas une victime. Je suis très heureuse d'avoir vécu tout ça, d'avoir passé à travers ces tempêtes-là, puis de vivre encore aujourd'hui pour voir le résultat du combat. Ça, c'est une victoire épouvantable dans ma vie. Mais ce qui m'inquiète maintenant, c'est le vieillissement de ma communauté. J'ai visité dernièrement, décédé maintenant, mais je visitais quelqu'un qui avait eu l'intervention chirurgicale, qui était Alzheimer, et qui ne se souvenait pas de ce qui lui était arrivé. Alors, ça fait des agonies qui sont très dures. La personne souffrait doublement de ne plus se rappeler qu'est-ce qui m'est arrivé. Personne ne pouvait y expliquer, parce qu'elle a retourné en arrière, alors elle était avec les morceaux de l'époque. Puis, je suis arrivé un jour, puis le personnel avait beaucoup de plaisir avec ce qui se passait. Et plus loin que ça, un jour, je suis à Toronto avec une de mes amies qui a 30 ans, qui est mourante. Et j'allais la voir une fois par mois, j'allais lui rendre visite. Puis un jour, elle était 14 mois dans le coma. Un jour, quand je suis venu pour entrer dans sa chambre, il y avait des infirmières. Par respect, j'ai resté en dehors de la chambre. Et les infirmières disaient, « Come on now, be a nice boy! » Wow! Quand tu es rendu sur ton lit de mort, puis tu n'es pas respecté dans ton identité, je peux vous dire que ça doit être épouvantable. Parce que ça, l'identité, c'est une cicatrice qu'on porte toute notre vie. Alors, c'est là, en 80, que je suis sorti. Je suis sorti de l'hôpital en me disant, je peux pas être ça là. Et j'ai fondé la TQ. Merci. On peut clairement dire que c'est un manque réel à la communauté, soit du côté des aînés qui ne peuvent trouver leur espace, c'est du même pour les autres membres de la communauté, dans ce cas-ci les haves si on veut, qui ne peuvent pas bénéficier des interactions. Je remercie donc sincèrement Marcel, et les autres membres du panel pour leurs commentaires et leur activisme. Il est parfois difficile de reconnaître les lacunes des mouvements sociaux et des causes que nous tenons tant à cœur, mais ceci ne veut pas dire que nous n'avons pas de travail à faire. Je crois que Chloé et moi, nous sommes d'accord pour dire que l'invisibilité limite sérieusement l'expression du spectre de la réalité humaine. Mm-hmm. De même, je remercie les Montreal Raging Grannies pour le travail qu'elles font pour démystifier le mythe de la petite bonne femme invisible et facilement ignorée. As they so beautifully put it, they take their causes seriously but not themselves. And here they are, the Raging Grannies. The Montreal Raging Grannies were formed in 1989 at the start of the Gulf War when they appeared at an army recruitment center in Montreal to sign up. They said, take us, not our grandchildren, take us, we're old. You can imagine the reaction of the military employees in that office being asked to consider replacing healthy young recruits with a bunch of older ladies and what to do with us. Then a few new members were added for an Earth Day demonstration, and the group coalesced. There we have ranged between 16 to 18 to 20 women, ages 55 to 90, from diverse backgrounds. Members share the common belief that human conflict can and must be solved by peaceful means. Since that time, these groups of older activist women have spread all over Canada and into the US. In fact, well-known American activist Ralph Nader considers the Raging Grannies one of Canada's best exports. Here at home, in 2001, the Montreal Raging Grannies were awarded the YMCA Canada Peace Medal for our work as peacemakers. We raise our voices, some ragged, some clear, in songs that hopefully get our message across with humor, wit, and clarity. We have the right to protest. Where would we all be without the struggles of the past? There's no democracy. There'd be no votes for women yet. The poor would have no schools. Small kids would still work in their mines, while rich folks set the rules. Leaders meet behind closed doors, their corporate friends in tow, deciding on the world they want, while millions shout, oh no! The use of clubs and bullets and violence by the state is something that, as peaceful folk, we will not tolerate. Glory, glory, raging grannies. Glory, glory, raging grannies. All together off our fannies, we will keep raging on. We must voice our outrage when human rights are lost. Government has to face the fact that there's a terrible cost. Good people see what's going on. Unite with all the world to health and human rights abuse. Our voices must be heard. Glory, glory, raging grannies. Glory, glory, raging grannies. All together off our fannies, we will keep raging on. I've got to say, one of the most interesting groups of people that I've seen at an event like the World Social Forum so far. Donc longue vie aux Raging Grannies, c'est vraiment une source d'inspiration et vraiment incroyable d'avoir pu pouvoir pu les voir en action. Oui, clairement. Et honnêtement, leurs commentaires sur comment la féminité aussi portait avec l'âge dans les mouvements sociaux. Vraiment, je laisse la question ouverte aux gens qui nous quittent. Comment ça joue les deux ensemble et comment on fait quand on est membre de plusieurs groupes qui sont peut-être invisibles? CKUT, ma radio, communautaire. Bonjour ou bonsoir, c'est Geneviève Le Tarte. Vous écoutez CKUT 93.3 FM à Montréal. Ça c'est fort. Ok, vous écoutez CKUT 90.3 à Montréal. Ok, merci beaucoup. Donc, vous écoutez en profondeur à CKUT 90.3 FM. Il est 17h44. Donc, j'ai eu la chance de participer à un autre événement de la Pride qui m'a vraiment touchée et qui, dans le fond, a vraiment chamboulé ma conception d'un lieu de rencontre culturelle. Le vendredi 12 août, je me suis rendue au village dans un des plus grands gay strip clubs de Montréal. Wouhou ! Pour écouter de la poésie. Pas mal, hein ? Une expérience vraiment incroyable. Donc pendant une heure, j'ai écouté des hommes réciter leurs textes et leurs écrits sur la scène habituellement destinée aux strip shows, entourés de mâles dénudés sur les murs. Donc j'étais pas vraiment bien dans ma zone de confort. Cet événement, Auteur à découvert, invitait des auteurs québécois, principalement des hommes homosexuels, à partager leur travail dans ce lieu improbable et en sous-vêtements. Essayez de vous imaginer. Les uns après les autres, des hommes grands, petits, poilus, grassouillés, montés sur la scène dans leur plus petite tenue pour réciter des poèmes sur des sujets aussi divers que la famille, la sexualité, l'enfance ou la vie amoureuse. Quand j'étais assise dans cette salle, en face de ces hommes qui se mettaient figurativement et littéralement à nu devant une foule d'inconnus, j'ai vraiment ressenti le pouvoir de leurs mots mais aussi de la situation. Et dans le fond, c'est ce que Ricardo Christopher, l'organisation de cette soirée, cherchait à créer à travers cet événement. Je pense, premièrement, je veux faire quelque chose un peu comme out of the box, parce que j'assiste beaucoup à des événements dans des bibliothèques, des soirées de lecture. La plupart du temps, je trouve ça un peu plate, parce que, en tout cas, c'est pas vraiment un moment où on peut se parler. Normalement, c'est comme il y a beaucoup d'éclairage et on voit pas vraiment la scène. Mais il y a pas beaucoup de jeunes aussi dans ces événements. Moi, je voulais faire quelque chose dans un lieu où normalement, tu ne trouves pas un événement comme ça. Et j'étais au stock et je disais, waouh, il y a comme une scène ici, une très bonne scène. Il y a un bar, du monde peut acheter la bière, peut comme voir comme des écrivains sur la scène. Puis après, tout le monde peut se parler. You know? Moi, quand j'étais jeune, quand j'étais célibataire, je voulais toujours comme rencontrer un autre gars, mais toujours, je voulais de faire ça dans un endroit plus culturel. Et aussi, ça donne une chance, comme on peut aller, on peut voir nos amis, on peut voir comme un écrivain, mais en même temps, we can like flirt aussi. On peut literature voir, you know, can be fun. Literature can be fun, it can be flirty. C'est aussi de faire ça dans tes souvenirs aussi, c'est vraiment comme de te mettre nous devant tout le monde. Une métaphore. Oui, parce que déjà, et je sais pas si du monde qui écrit pas connaissait ça, mais quand tu écris quelque chose et quand tu partages ça avec du monde, tu es vraiment comme, you're putting your soul out there. Tu es vraiment plus vulnérable quand tu fais ça. Et pour moi, c'est comme une façon d'un peu de montrer ça, d'être comme tout, comme sur la scène, presque tout nous, en avant tout le monde. J'invite tout le monde à juger mes mots, mon imagination et aussi mon corps. C'est comme ça, c'est moi, Chris. Comme l'histoire que j'ai lue, c'est comme vraiment comme ça vient d'une place de la vérité. Et c'est vraiment comme j'étais jamais plus moi que sur la scène ce soir. Donc je m'excuse, le nom de la personne qui vient de parler n'était pas du tout ce que j'ai dit, mais plutôt Christopher Dirado. Je m'excuse, c'était le coup de l'émotion. Donc même si tous les participants étaient très talentueux, il y a eu un poème qui a touché Chloé particulièrement. Et ce qu'on va faire, on va vous faire écouter en ce moment, c'est un poème de Simon Boulris qui parle de sa rencontre furtive avec un autre homme. C'est un petit peu long, mais ça vaut vraiment le coup. Il y a des allusions sexuelles plus ou moins graphiques dans certains extraits. Donc, si ça vous tente pas, si ça vous convient pas, si vous écoutez ça avec des enfants, c'est définitivement le moment de baisser le volume pour quelques minutes. Alors, ça va comme ça. Invitation de Marc-Antoine, le nouvel ami Facebook. Déliché d'abord sur Grindr ou Tinder, je sais plus. Viens chez moi, ma coloc est pour là. T'es trop beau pour moi, tu m'invites juste parce que je me suis fendu le Bataclan à tout le monde en parle. J'arrive dans mon accoutrement de camp de jour. Mon hôte tente la vérité. Je m'excuse, Simon, mais t'es vraiment plus beau en photo. L'éclairage de son pas d'entrée m'en veut clairement. Les pourparlers de fiançailles sont ajournés. Marc-Antoine, exécuteur testamentaire. La mode est un cycle, révèle les magazines. Mes t-shirts vont bien finir par se réinscrire dans l'époque. Je redeviendrai au bout du jour. Je faisais des turn-up à mon linge long bien avant que ce soit la loi. Pour réussir une sortie élégante, il faut relever le menton, inspirer et sourire. C'est raté. Je démissionne dans la disgrâce. Mon burlesque primitif et mes pitreries d'usage, j'éteins la lumière par erreur, je cherche la poignée dans le noir pour sortir de chez moi au plus triste. Je réussis même à m'empêtrer les pieds dans ton chien. Il s'appelle Grelot. Quel nom de marde. Je rentre de guerre lasse, le vent peaufine ma coiffure, réorchestre ma dignité. Je fais des faces oscarisables juste pour moi. Mon chagrin est crédible, autant que celui des hommes qui ne pleureraient que devant les portières bosselées de leur auto de l'année. Dans les rues, je suis ignoré au complet. Il y a une baisse de générosité. La déchirure à mon jean sous mon grand fessier ne dit rien à personne. C'est tout bon à toi, Marc-Antoine, mon tabarnak. Il me faudra te supprimer de Facebook. Ça laissera de la place pour les autres. La route du retour à pied est une surdose de crevasses, de plaies ouvertes, de cônes encerclant les périmètres. Si j'avais un char, je pourrais sortir de ma métropole, retrouver les ombres spacieuses de conifères qui barrent le cri des routes comme des traînées de goudron. Ça changerait ma vie, oui. Ici, que des pansements sombres sur l'asphalte, Montréal est amoché comme moi. J'écoute vibrer le pouls d'un chat errant, ça ronronne dans l'écho du chantier du jour. J'ai la lévitation anti-allergène, aspire-moi à mieux et prête-moi une de tes prochaines vies, please. Mon appart m'accueille comme je suis, sans crédibilité aucune, de popotin à l'air. J'arrive floche pour la grande messe de la télé. And the Oscar goes to... Je zoome sur les perdants. Je connais tout de la déception ambiante. Marc-Antoine s'excuse sur Facebook. Je vais lui donner une autre chance. Partie 2. Marc-Antoine me relance sur Facebook. Hey Simon, hey, je m'excuse encore pour l'autre fois. Ma coloc m'a passé ton roman, J'avote. Hey, j'ai lu puis j'aimerais ça te revoir. J'ai trouvé tellement drôle puis wise que j'ai envie de faire de l'amour avec toi. Je cours à toi sans dignité. Je me déteste et je me trouve chanceux en même temps. Le craquement monastique de mes sandales sur le béton de l'escalier du métro Place Saint-Henri me font croire que je marche sur l'eau. Je lévite dans la ville souterraine, j'arrive en retard à nos noces, Marc-Antoine, car je hashtaguais ma joie de te revoir. Tu me tires dans ta chambre de vampire, jette ton chien à la porte et te déshabille avec la célérité et la précision d'Arturo Brachetti de la couchette. Je vais faire l'amour à un auteur. Je fais de même. Oh, le grand déficit d'attention de ton sexe remuant, je suis pas si laid que ça finalement. Fais pas de bruit, ma coloc est à côté. Je me glisse en forme de soie. J'ai de la geisha dans les reins. Tu me rejoins et tu m'empoignes les cheveux. T'es vraiment une petite salope. Pardon? Tu t'adonnes sur ta table de nuit, tes dents de liane déchirent un sachet de condom, tes gestes sont rodés, déroule le rebord et cours la chance de gagner un voyage, une Dodge Caravan ou une ITS. C'est pas vraiment ce que j'avais en tête, Marc. Tu piges dans une quincaillerie de lubrifiant, tu appliques là où tu l'entends et je souris de méprise. Oups, non! Tu demandes duel et moi asile, on se complète bien à vouloir l'inverse de notre bien. Tu gagnes, tu me rentres dedans. Je suis jamais doué pour convaincre. J'implore les pinces de désincarcération pour me sortir de tout ce malaise. T'aimes ça, ma petite salope? Ma face de perte de virginité anale t'excite. Tu m'as bien mal cerné au fond. Habituellement, je fais l'étoile uniquement pour ajuster mon droit contour. Je ne m'offre jamais au complet. Ça fâche un peu, comme les douchebags au gym qui sont frustrés quand j'obstrue leur superbe devant le miroir. Arrête de crier, petite chienne. Tu me colles ton oreiller sur la bouche comme on braque un pistolet sur une tempe, mais où est l'amour dans tout ça? Bravo! C'est clair que ma coloc s'est réveillée. Je m'excuse. Le dernier métro est passé. Je peux emprunter un bord de lit? Non, je dors vraiment mieux seul. Alors, je peux emprunter ton divan? Non, on se connaît pas vraiment, puis c'est lui de grelot, mon chien. Pas de trouble. Je me rhabille et je prie pour que Grelot éborgne un testicule. Je vais pour quitter ta chambre, ton appart et ton quartier. Tu chuchotes avec douceur. Hey, bravo pour ton roman. Ah, j'ai bien aimé ça, t'as du talent. Grelot se faufile dans ta chambre. Je referme ta porte. La salle à manger est dans la semi-pénombre. Sur la table, je vois un exemplaire de Javotte. Il y a un peu de moi dans cet appart étranger. J'ouvre le livre et lis un nom en mauve sur la page de garde. Valérie F. Dansereau. ta coloc sans doute, une écriture douce et appliquée. Je me retiens d'autographier le livre et d'écrire en dessous « Ton coloc est dégueulasse ». Je me pose sur la banquette d'un taxi dans le beau soir de mai. J'ouvre Facebook pour stalker le profil de Marc-Antoine, puis je le retire de ma liste d'amis. Le chauffeur fronce les sourcils pendant que le compteur tourne. « Vous allez où, monsieur? » Je rentre à la maison. Yes! Merci encore à Simon pour ce magnifique poème. Puis, comme si c'était pas assez de me retrouver dans un strip club pour gars entouré d'hommes semi-nus, j'ai eu la chance d'interviewer Simon à la fin de l'événement dans une des salles privées de striptease du club. Donc, quand vous écoutez cette interview, essayez de vous imaginer que la conversation a lieu dans une salle de la taille d'un placard, couverte de velours, violet foncé et éclairée par une faible lumière tamisée. By far, one of the greatest places où j'ai eu la chance d'interviewer quelqu'un à date. Alors c'est ça, je m'appelle Simon Boulris, j'ai 34 ans, je viens d'une petite ville qui s'appelle Saint-Rémy-de-Napierville. C'est en Montérégie et je vis à Montréal depuis maintenant 17 ans. Donc 17 ans à Saint-Rémy, 17 ans à Montréal. J'ai étudié en littérature et en théâtre et depuis que j'ai terminé l'école de théâtre, je me suis diversifié. J'écris beaucoup de recueils de poésie, beaucoup de romans, des romans pour adultes, des romans pour enfants. Ce que j'ai lu tout à l'heure, c'est un extrait qui... Le roman s'intitule « Géolocaliser l'amour » et c'est sur des applications de rencontres comme Tinder, Grindr et compagnie. C'est une autofiction. Je pars de souvenirs et d'éléments de ma vie très, très personnels que je transforme constamment parce que pour moi, l'autofiction et pour la plupart des gens, la plupart des auteurs, l'autofiction, c'est une façon d'utiliser sa vie comme un matériau pour en décoller, tu sais, pour s'amuser à en rajouter, à la rendre plus pathétique, la rendre plus magnifique. Donc, c'est vraiment la magnifier, l'hypertrophier en général. OK. Et du coup, est-ce que c'est la première fois que tu lisais un poème dans un strip club? Oui, ah oui, complètement. Je sais pas si l'occasion va revenir, mais en même temps, j'aime beaucoup cette idée-là. Donc, on est forcément un peu vulnérable, hein? Arriver comme ça, on est plus à découvert. Oui, ça peut être drôle, mais il y a quelque chose d'assez vulnérable qui m'intéresse, moi. Parce que moi, dans l'écriture, ce que je recherche, c'est la vulnérabilité, toujours. C'est mes points de bascule, c'est mes points de chute. J'aime ça. Moi, je me reconnais toujours dans la chute plus que dans les super-héros. Donc, j'aime parler de scènes malaisantes, tu sais, des vrais malaises. J'aborde un peu la littérature de la même façon, c'est-à-dire que j'ai envie qu'il y ait constamment des failles, que la voix... une voix qui casse, quelqu'un qui chante. Céline Dion, c'est un bon exemple. Céline Dion, quand elle a la voix fatiguée, je trouve ça magnifique. Et j'essaie de reproduire ça en littérature, c'est-à-dire La littérature, c'est Céline qui est fatiguée de la voix. C'est exactement ça que je veux faire. Parce que j'adore la culture pop. Moi, j'ai grandi dans un club vidéo. Mes parents avaient un club vidéo, donc j'ai carburé beaucoup à Pretty Woman, à des films très, très pop. On est dans un petit village, on n'a pas Citizen Kane. On n'avait pas des films de répertoire, donc j'ai carburé beaucoup à des comédies romantiques, à des films d'horreur un peu cheesy. Mais... même si j'étais pendant un bon bout de temps en réaction à ça, ça a quand même été mon ciment. C'est beaucoup mon enfance, c'est beaucoup ça. Donc aujourd'hui, je suis hyper en paix. Quand on me dit c'est quoi ton péché secret, ton péché mignon, ou des plaisirs coupables. Donc un grand merci à Philippe, Simon et le reste des auteurs qui se sont mis à nu pour partager leur poésie et à Christopher pour avoir organisé une si belle soirée. There is this thing. Do you realize what is? There is this thing. Do you realize? Consciousness.